Me voyez-vous ? Je suis là, partout autour de vous. Dans le bleu de la Méditerranée, dans les paysages spectaculaires des fjords et dans la magie des Caraïbes. Je suis prête à vous être révélée pendant votre croisière MSC. Alors embarquez pour découvrir des lieux merveilleux à partir de 599 € par personne. MSC Croisière, révélez la beauté du monde. Conditions en agence de voyage ou sur msccroisière.fr. La science CQFD, Natacha Triou. 400 ans après l'apparition des premiers cas de syphilis en Europe, le nombre d'infections explose en France et sur le continent. Comment cette maladie vénérienne est-elle apparue ? C'est la première maladie à avoir été identifiée comme sexuellement transmissible. Dès son apparition, elle a eu un impact social sans précédent. Très contagieuse, cette infection due à une bactérie est aussi connue sous le nom de vérole, grande vérole, mais aussi de mal français en Italie et de mal italien en France. Tous les pays européens s'en sont mutuellement attribués la faute. Et aujourd'hui, nous ne sommes toujours pas certains que ce soit les marins de Christophe Colomb qui aient rapporté ce petit cadeau du Nouveau Monde en 1493. L'amour au temps de la syphilis. Nicolas Dupin, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur, dermatologue et vénérologue à l'hôpital Cochin, co-responsable du centre de santé sexuelle de l'Hôtel Dieu et directeur du laboratoire associé syphilis du CNR des IST. Et nous sommes en ligne avec Charles Cazanave. Bonjour. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être là. Vous êtes médecin infectiologue au CHU Bordeaux, spécialiste des IST. Merci à vous deux d'avoir accepté donc cette invitation en direct sur France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez. Vous pouvez nous suivre sur les ondes, mais aussi sur le web, sur franceculture.fr, mais aussi sur Twitter, sur X, pour notre live tweet qui commence tout de suite. C'est sur notre fil @sciencesqfd. Alors pourquoi observe-t-on aujourd'hui une recrudescence de la syphilis ? Quelle est l'histoire de cette maladie ? Quel a été son impact social ? Et comment sa prise en charge médicale a-t-elle évolué au cours du temps ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. On commence avec notre archive du jour. En 1949, on observait déjà une hausse de cas, le nombre de contaminations avait triplé. La syphilis reste, malgré toutes les mesures prophylactiques, un des grands fléaux sociaux. Elle a une incidence directe sur la santé de l'individu et sur celle de sa descendance. Elle a donc un intérêt national de premier plan. Il est très difficile de vous fixer approximativement le nombre des syphilitiques en France. Beaucoup de syphilis sont ignorés de ceux qui en sont atteints et des statistiques générales sont impossibles à établir. Par contre, il est possible de préciser les variations du nombre des contaminations d'une année sur l'autre. Les syphilis récentes avaient diminué de 1920 à 1940 dans la proportion des trois quarts, du fait de l'immense effort exercé par les pouvoirs publics et par le corps médical dans la lutte antivénérienne. Depuis 1940, par contre, le nombre des contaminations a triplé. Mais à quoi attribuez-vous cette augmentation ? Est-ce que ce sont les mesures de prophylaxie qui sont moins rigoureuses ou moins bien appliquées, par exemple ? Non. La lutte antivénérienne a au contraire été intensifiée. Je ne veux naturellement pas vous parler des incidences que la fermeture des maisons de tolérance peut avoir sur le chiffre des contaminations. La chose est trop récente pour être objectivement appréciée. Mais les principales raisons d'augmentation du nombre des contaminations sont les déplacements de population, les séparations, l'afflux de troupes de toute nationalité occasionnés par la guerre et la baisse de la moralité féminine. Nous observons un nombre inaccoutumé de jeunes filles et de femmes de tous les milieux sociaux atteints de syphilis récente, de telle sorte que les contaminations peuvent de plus en plus être la conséquence de contacts en apparence sans danger. Voilà la voix du docteur Degos, médecin chef à l'hôpital Saint-Louis sur la RDF en 1949. Nicolas Dupin, comment résonne cette archive aujourd'hui selon vous ? D'une actualité incroyable, je trouve. D'abord, on parle de fléau social, on parle de descendance, on parle de flou artistique complet quant aux statistiques. On n'a pas beaucoup changé, mais l'important c'est de pouvoir suivre les mêmes chiffres. Et c'est, je trouve, très très intéressant de voir que les choses n'ont pas beaucoup changé de ce point de vue. Apparaît quand même une analyse peut-être un peu étonnante, effectivement, sur la place des femmes dans la contamination. Mais dès le départ, la syphilis a été transmise aux hommes par les femmes et aux hommes et aux femmes par les hommes. Mais c'est là les femmes qui sont mises en avant. Alors, est-ce la condition féminine qui commence à prendre toute sa valeur et effectivement, l'observation d'une augmentation du nombre de cas chez les femmes est tout à fait, je dirais, à l'illustration de peut-être l'indépendance des femmes vis-à-vis de la sexualité, qui commence à se faire sentir dès les années 50. Et on verra au cours de cette émission comment cette maladie a aussi été personnifiée par Dame Vérole. Mais votre réaction, Charles Cazanave, à l'écoute de cette archive? Je partage bien évidemment le point de vue du professeur Dupin. On est assez stupéfait par le ton déjà très paternalisant de l'intervenant, le ton un peu de l'époque qui on sait n'est pas le ton le plus approprié pour aborder la problématique de la sexualité ou de la santé sexuelle. Ce caractère un petit peu moralisateur et le thème qui reviendra, je pense, au travers des échanges est celui de stigma et de maladies stigmatisantes avec, en plus, comme l'a dit Nicolas, si je peux me permettre de l'appeler par son prénom, un petit côté misogyne qui va peut-être bien avec l'époque et qu'on relativisera, j'espère, au cours de notre émission. Et le dernier point intéressant, c'est quand même le côté qui revient en force de la transmission de la mère à l'enfant qui est évoqué avec la problématique de la syphilis congénitale qui est actuellement un sujet inquiétant sur toute la surface de la Terre. On entendait également dans cette archive, Nicolas Dupin, qu'entre 1920 et 1940, le nombre de cas avait diminué grâce aux efforts dans la lutte anti-vénérienne. Quelles étaient ces mesures à l'époque pour se protéger? Mais c'est, les mesures pour se protéger, c'était... C'était d'abord d'essayer de contrôler, je dirais, les personnes qui étaient infectées. Deux, c'était de mettre en garde les patients avant qu'ils soient infectés. Et il y a, à l'époque, un nombre d'affiches, mais innombrables, sur comment ne pas attraper la syphilis. Et j'ai toujours cet exemple, puisque, bien sûr, les fils de bourgeois ne pouvaient pas attraper la syphilis dans les maisons closes, mais c'était plutôt se méfier des pissotières. Parce qu'on pensait que le tréponème, qui était un petit spiroquette, pouvait remonter le cours du jet. Et donc, on préconisait aux personnes d'interrompre son jet toutes les 5 secondes pour éviter que le saumon spiroquette, tréponème, puisse remonter jusqu'à l'individu. Mais donc c'était vraiment un fléau, c'était comme le sida dans les années 80, c'était véritablement un fléau très important qui, comme le dit très bien Charles, non seulement se transmettait par voie sexuelle, mais avec le risque de le transmettre à sa descendance, et donc le transmettre à ses enfants, et avec les risques, bien sûr, de syphilis congénitale précoce, mais surtout d'avoir des enfants qui souffriraient toute leur vie de handicap. Charles Cazanave, vous souhaitiez réagir? Oui, je voulais réagir sur ce que vous venez de dire et ce qu'a dit le professeur Dupin. C'est vrai qu'on a tous en tête, alors... Moi, j'ai plus vu ça que vécu, puisque voilà, j'étais dans une génération qui était sans syphilis, on va dire. Mais ces images d'Épinal où on voit en effet ces personnes peut-être de petites conditions et qui rentraient tard le soir, soit c'était pour faire de la prévention de l'alcoolisme, soit pour faire de la prévention des MST. Juste rebondir sur Nicolas, le terme de spiroquette, on voit le spécialiste, mais rappeler que spiroquette, ça vient de cette petite bactérie qui est spiralée, donc en forme de spirale. Et juste rebondir aussi sur ce concept de sexualité, encore une fois, polluante. On parle ici de la syphilis, on a parlé avec Nicolas du VIH et du sida dans les années 80, et plus récemment, en 2022, l'épidémie de variole du singe qui avait aussi une transmission sexuelle. Donc, c'est les mesures de prévention, pour répondre à la question à l'époque, étaient très, très limitées et surtout, encore une fois, plutôt dans la morale que dans des réelles mesures que l'on pourra voir au fil des discussions qui pourraient être, par exemple, le préservatif ou faire de l'information et de la pédagogie. Et peut-être tout de suite, on évoque cette bactérie en forme de spirale. Nicolas Dupin, comment se caractérise la syphilis, hein? Quelles sont les différentes étapes de la maladie, les symptômes? Alors, la syphilis, c'est une maladie, une créature créée par ce tréponème, donc cette petite bactérie spiralée, comme nous l'avons rappelé. Donc la créature, c'est la syphilis. Et la syphilis, finalement, c'est une maladie très sournoise, redoutablement sournoise. On l'appelle la grande simulatrice. Pourquoi? Parce qu'elle évolue en plusieurs phases et elle a une incubation, comme le plus souvent, en fait, les infections, une incubation silencieuse qui va durer 3 à 4 semaines. Une incubation, c'est la période entre le contact avec l'agent responsable de la syphilis et l'apparition des premiers signes cliniques. Et les premiers signes cliniques, c'est généralement ce qu'on appelle le chancre syphilitique. Et le chancre syphilitique, ben, il n'est pas toujours apparent. Un chancre peut être apparent lorsqu'il est situé sur le pénis chez l'homme, mais il est à l'intérieur des organes génitaux chez la femme, ou ailleurs, il n'est pas visible, pas toujours visible. Et donc, il n'est pas toujours mis en évidence, il est souvent caché, et le diagnostic n'est pas fait. Redoutable syphilis, qui en apparence peut guérir toute seule, parce que ce chancre, bah, va durer quelques jours, quelques semaines, et après ces quelques jours et ces quelques semaines, il va disparaître tout seul. Et dans la grande majorité des cas, vous êtes toujours infecté par la bactérie, vous n'avez pas guéri de l'infection. La bactérie, elle, va se disséminer dans le reste de l'organisme. Par les voies sanguines, elle va aller dans d'autres organes. Et quelques mois plus tard, elle va donner ce qu'on appelle la grande simulatrice. Certains disaient, si vous connaissez la syphilis, vous connaissez toutes les maladies. Pourquoi ? Parce que la grande simulatrice, eh ben, elle va s'exprimer par plein de symptômes différents. Et sur la peau, c'est pour ça que les dermatos vénérologues sont si filigraphes par essence. Pourquoi ? Parce que cette bactérie, elle apprécie la peau. Elle dessine sur la peau des tas d'arabesques, des tas de lésions qui vont donner des lésions qui ressemblent quelquefois à du psoriasis, quelquefois à du lichen plan, à de l'eczéma, à de la dermatite séborique, à de l'acné. Et vous passez à côté. Pourquoi ? Parce que c'est la grande simulatrice. Vous n'y pensez pas. Vous n'y pensez pas. Et là aussi, ça peut disparaître tout seul. Et le drame, c'est que vous êtes passé à côté de tout ça, et plus tard peuvent s'installer les complications neurologiques. C'est-à-dire que le tréponème est très friand du système nerveux, à la fois périphérique et central. Il va pouvoir donner les complications neurologiques qui entraînent des symptômes beaucoup plus graves. Et ça, c'est la troisième phase de la maladie, Charles Cazenave. La phase tardive ou tertiaire, où là, on peut voir une neurosyphilis. Alors oui, donc juste pour rappeler que je suis infectiologue et donc la syphilis est donc une maladie donc infectieuse transmise par une bactérie, donc ça sera important après pour l'aspect thérapeutique et les antibiotiques. Et en effet, comme l'a dit Nicolas, il y a tous ces symptômes cutanés, puis ces symptômes de la phase tardive qui sont les symptômes qui vont faire toute la gravité de la maladie. Le concept de neurosyphilis que l'on est peut-être amené à voir plus souvent en tant qu'infectiologue et souvent adressé par nos confrères peut apparaître aussi assez précocement, donc ce qu'on appelle les neurosyphilis précoces. Et actuellement, on a quand même beaucoup de cas qui nous sont adressés par les ophtalmos, puisque la syphilis peut avoir également une atteinte au niveau de l'œil, et toute anomalie au niveau d'un œil chez une jeune personne, on va dire, à risque, et peut-être qu'on reviendra après sur les facteurs de risque, c'est-à-dire des rapports sexuels multiples non protégés, doit faire évoquer cela. Ce n'est pas toujours le cas, et donc parfois, comme on l'a dit, il peut y avoir des retards de diagnostic et des retards de prise en charge, mais on est amené, en tant qu'infectiologue, très souvent à prendre en soin des personnes via ces spécialistes des yeux, des ORL, puisqu'il peut y avoir aussi dans ces neurosyphilis des atteintes de l'oreille, des surdités, et donc tout ceci va faire la neurosyphilis précoce, et dans les formes, comme le disait Nicolas, si on laisse passer et on laisse évoluer, on va arriver à ces tableaux de démence dont beaucoup d'artistes connus, je pense qu'on en reparlera après, Maupassant, ont été atteints. Exactement, Maupassant et d'autres ont été atteints et sont restés dans la postérité, comme Toulouse-Lautrec ou d'autres. En effet, la neurosyphilis qui a emporté Maupassant. Alors, petit point épidémiologie actuelle. Aujourd'hui, selon plusieurs rapports récemment publiés par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, les cas d'infection ont augmenté de 34% pour la syphilis, provoqué 35 000 cas en 2022. Nicolas Dupin, comment ça s'explique, cette recrudescence-là ? Alors, c'est intéressant, mais ce n'est pas récent. C'est un phénomène finalement qu'on observe depuis à peu près une vingtaine d'années, c'est-à-dire fin des années 90, début des années 2000, où on voit qu'il y a un relâchement de la prévention dans les populations, je dirais, exposées au VIH en particulier. L'avènement des trithérapies contre le VIH font que cette maladie n'est plus le fléau qu'il était dans les années 80 et au début des années 90. Donc il y a un relâchement de la prévention et donc on voit à nouveau des IST, des maladies sexuellement transmissibles. Ça concerne la syphilis, mais pas uniquement la syphilis. On voit plus de gonococcie. On voit un peu plus tard ce qu'on appelle la maladie de Nicolas Favre, qui est une maladie liée à une forme, à une petite bactérie qui s'appelle le Chlamydia trachomatis aussi, un genre un peu particulier. Et puis, comme l'a dit tout à l'heure Charles, on a vu en 2022 une épidémie de monkeypox, de cette infection un peu particulière de variole du singe, chez des hommes ayant des rapports avec des hommes. Donc, c'est pas un phénomène vraiment récent. Ce qui est plus récent, c'est effectivement que ça semble assez étendu aux 29 pays européens. Je pense qu'il faut prendre ces résultats avec des pincettes. Pourquoi ? Parce que on n'a pas finalement des données très précises de l'importance de cette infection dans la population générale. On a une image assez imparfaite, véritablement, de l'épidémiologie de cette syphilis. Et c'est pour ça que je trouvais que le reportage de 49 était assez vrai, parce que cette petite bactérie, malheureusement, il n'y a pas de techniques qui permettent de la mettre en évidence facilement. Oui, vous parliez de flou artistique. Oui. Cette hausse du nombre de cas, Charles Cazana, ça peut aussi peut-être s'expliquer aussi par les progrès du dépistage. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. Pour abonder tout d'abord dans le sens de Nicolas sur les données européennes, je pense qu'en effet, on a uniquement face à nous la face émergée de l'iceberg et on ne sait vraiment que ce qu'on a à partir du moment où les médecins font des déclarations. Le problème de la surveillance, c'est que c'est une surveillance qui est réalisée sur des déclarations sur le volontariat, à la différence d'autres maladies. Et donc, je pense qu'on a des chiffres qui ne sont pas le reflet exact de la réalité, qui est sûrement supérieur. Donc, d'autant plus le côté un petit peu inquiétant épidémiologique. Les données, juste pour finir avec ça, européennes, sont corroborées par quand même une publication très récente dans le JAMA, une revue scientifique de référence en 2024 chez les Américains. On se dit que chez les Américains, tout est parfait, mais loin de là, puisqu'en 2022, ils avaient 207 000 cas de syphilis, soit une augmentation de 80% par rapport à 2018, avec, et on y reviendra, je pense, sur le problème qui est chez eux également des syphilis congénitales. Donc certes, tous ces chiffres sont à la hausse, les chiffres français également, encore une fois sous-évalués, comme le disait Nicolas, et peut-être également grâce au dépistage qui va se faire. Mais là, c'est toujours pareil, le problème du dépistage, il est souvent fait de façon répétée chez les personnes à risque, et c'est très bien. Mais il y a encore, comme pour le VIH, des personnes qui pourraient bénéficier de ce dépistage et qui n'y pensent pas, ou bien ce dépistage n'est pas proposé, ou bien dans le bilan d'une infection sexuellement transmissible, on omet de réaliser le test syphilitique. Test syphilitique, il n'y a pas eu de grand progrès, Nicolas pourra me couper, puisque le test que l'on utilise est une technique qui remonte à 1906, donc le test de débrouillage. Après, il y a eu des progrès avec la PCR, mais la méthode utilisée, c'est pas non plus une révolution. C'est juste qu'on l'utilise peut-être un peu plus et à bon escient. On reviendra évidemment sur le dépistage, le traitement, mais avant, d'où vient cette maladie ? L'origine de la syphilis fait l'objet de vives controverses depuis plus d'un siècle. Comment est-elle apparue en Europe ? La réponse se trouve-t-elle dans l'ADN ancien ? Reste à l'écoute, on replonge dans le passé. France Culture, la science CQFD, Natacha Triot. En direct sur France Culture avec Nicolas Dupin et Charles Cazanave, nous parlons de l'histoire et du devenir d'une célèbre IST, la syphilis. Manet, Flaubert, Baudelaire, Maupassant ou encore André Gide, tous en ont été atteints. On vient de parler du tableau clinique avec des symptômes qui suivent plusieurs étapes, qui perturbent les diagnostics médicaux, c'est pourquoi on l'a appelée également la grande simulatrice. Nicolas Dupin, d'où vient le nom syphilis ? Le syphilis, on le doit en fait à un poète italien qui a raconté l'histoire de ce berger Syphilus, un admirateur, je dirais, au temps antique d'Apollon, se prend d'une autre admiration pour son roi lui-même, et Apollon le condamne à répandre la maladie, la syphilis, ce manteau de la malédiction de Syphilus. Voilà, donc c'est un peu particulier comme appellation, effectivement. Mais cette bactérie, comme vous dites, le tréponème, est probablement responsable de l'épidémie de la fin du XVe siècle, c'est-à-dire 40 ans avant, et qui correspond à la théorie, je dirais, colombienne, c'est-à-dire l'importation du tréponème pâle, de cette bactérie, en Europe, et qui a été disséminée par les mercenaires marins de Christophe Colomb, qui sont venus par la suite combattre en Italie. Et vous parliez tout à l'heure du mal italien, mais on parlait plus du mal de Naples, puisque c'est en couchant avec les prostituées de Naples qu'ils ont transmis la bactérie à ces prostituées, qui, à leur tour, l'ont transmis aux Français, le mal français. Sur les appellations, on a aussi les Néerlandais qui l'appelaient le mal espagnol, oui. Les Russes le mal polonais, les Turcs le mal chrétien. On voit qu'il y a beaucoup de noms autour de cette maladie. Charles Casanave, on vient d'évoquer à l'instant en effet la théorie colombienne. Pour expliquer l'origine de cette maladie, on a en effet deux grandes théories, la théorie colombienne et la théorie précolombienne. Tout à fait. Nicolas nous a parlé de la théorie colombienne, donc on va faire comme un avocat. Moi, je vais défendre la théorie précolombienne, si vous voulez. Donc, tous les mots sont mis sur Christophe Colomb, qui a ramené cette bactérie du Nouveau Monde. Mais des études récentes, publiées notamment par une équipe marseillaise à partir d'ossements retrouvés dans une chapelle en Provence du 7e et 8e siècle, montrent des signes évocateur d'infection à tréponème. Alors, comme l'a dit Nicolas, tréponème, c'est le nom générique qui regroupe plusieurs maladies, dont la syphilis. Et donc, ces ossements du 7e ou 8e siècle, donc bien avant Christophe Colomb, montraient des signes à la fois cliniques de syphilis, mais également ont retrouvé de l'ADN compatible avec du tréponème. Pareil éventuellement sur des momies, c'est tout ce que l'on appelle la paléomicrobiologie. Et donc les deux théories finalement s'affrontent encore, et encore une fois la syphilis fera parler d'elle pendant de nombreuses années sur ce point-là. Oui, vous évoquez en effet cette étude parue en 2023 dans The Journal of Infectious Diseases. Il y a aussi cette étude parue en janvier dernier dans Nature sur l'origine de cette bactérie, qui serait donc plus ancienne qu'on ne le pensait, grâce à l'étude de l'ADN ancien de restes humains au Brésil. Nicolas Dupin, que nous apprend justement toutes ces analyses génomiques sur l'origine de la syphilis ? Je vois que vous êtes très bien documenté. Merci. Toute l'équipe de la science CQFD est très difficile. C'est un article qui porte sur Treponema pallidum, et probablement non pas pallidum pallidum, mais c'est la première fois qu'on met en évidence une potentielle présence de Treponema pallidum endemicum, responsable d'une autre tréponématose non vénérienne, puisqu'il y a d'autres tréponématoses que l'on voit surtout en Afrique, le bégel par endemicum et perténu qui donne le pian. Or, normalement, Treponema pallidum endemicum est une bactérie que l'on voit dans les régions arides. Et ce qui est très surprenant, c'est que cette étude a été faite au Brésil et retrouve effectivement sur un des quatre prélèvements qui a pu être étudié dans sa totalité, et c'est là que c'est important de parler de totalité, quand on a des bactéries qui ont jusqu'à 99% d'homologie. Donc c'est pour ça que je suis un peu sceptique sur les résultats publiés par nos confrères, certes tout à fait estimables en France, sur l'origine possible de Treponema pallidum, sur simplement le séquençage de moins de 3% de la totalité du génome. Donc je trouve que l'étude brésilienne est très intéressante. Elle prouve bien que les bactéries ont des capacités de s'adapter à leur milieu et à leur environnement, et que pour moi, il y a un grand-père ou un arrière-grand-père qui s'appelle le tréponème, et puis, selon le mode de contamination, selon l'environnement, on va avoir une contamination plutôt sexuelle, avec pallidum pallidum, et c'est pour ça que pallidum pallidum, qui donne la syphilis, a donné cette épidémie dans les années à la fin du XVe siècle. Pourquoi ? Parce que globalement, la sexualité permettait la dissémination de cette bactérie. Et c'est pour ça qu'on a eu, à cette époque-là, cette épidémie en Europe. il n'y avait pas d'épidémie jusque-là. Je ne sais pas ce qu'en pense Charles, mais jusqu'à la fin du XVe siècle, il n'y avait aucune représentation ni scientifique, ni artistique de la présence du tréponème ou de la syphilis jusqu'à cette époque-là. Les premières représentations, c'est Albrecht Dürer, et c'est au XVe siècle. Des fins portraits où on voit un homme défiguré par justement les effets de la syphilis. Charles Cazenave, en effet, avant le retour de Christophe Colomb, on n'a pas de source textuelle qui en parle en Europe. Non, c'est vrai. Donc moi, l'avocat de la théorie précolombienne, je suis un petit peu là, mis en difficulté par l'avocat de la théorie colombienne. C'est vrai que on n'a pas vraiment ça. On a l'impression, en effet, si on veut être objectif, qu'il y a quelque chose qui est arrivé du Nouveau Monde, qui s'est adapté à l'Ancien Monde, c'est-à-dire l'Europe. Car ce qui est très important à rappeler, c'est que c'est une bactérie. Les bactéries, par définition, comme le dit une de nos bactériologues célèbres, professeur Geneviève Arnaud, ont des facultés adaptatives. Elle s'est adaptée peut-être à nos climats un peu plus froids et moins humides. Et elle se transmettait de peau à peau peut-être dans ces contrées-là. Et nous, vivant couverts, elle s'est peut-être transmise à ce moment-là également par voie sexuelle avec cette dissémination qui a commencé à la fin du 15e siècle. Et donc, je dois reconnaître que avant, je n'ai pas retrouvé également dans l'art ou dans la littérature des descriptions aussi claires que celles qu'on a eues par la suite. Après ce qui s'est passé à Naples en 1495. Mais certains parlent aussi d'une possible mutation la rendant contagieuse et vénérienne, oui. Nicolas Dupin. Oui, c'est possible, tout à fait. Ça fait partie, effectivement, comme les bactéries. Alors, c'est une bactérie relativement solide, hein. Elle est peu équipée de gènes ou de plasmides ou de transposons qui lui permettent d'acquérir ses facultés. Hein, c'est une bactérie assez exigeante, mais voilà, une mutation peut permettre effectivement. On ne sait pas très bien comment se transmettent les autres tréponématoses, hein, à part par le contact direct. C'est pas si clair que ça. Mais justement, à l'époque, au moment de l'apparition de la maladie, les médecins sont confrontés à un objet inconnu. On voit un très grand nombre de symptômes, on l'a dit, on cherche à nommer cette maladie. On cherche aussi des causes. Comment l'explique-t-on à l'époque, Nicolas Dupin ? Je pense qu'on ne l'explique pas. On est face à une maladie qui se transmet, une maladie qui va effectivement donner des symptômes sur la peau. Alors la peau, c'est pas très grave, puisque ce sont des choses qui vont finalement guérir toutes seules. Mais vous savez, à l'époque, il y a très peu d'armes thérapeutiques. Il faudra attendre très longtemps avant de trouver l'outil, l'antibiotique Alexander Fleming avec la pénicilline, qui permettra enfin de diminuer les conséquences de la maladie. Mais c'est une maladie apparemment, au départ, assez anodine, qui, comme je vous le dis, guérit tout seul. Le chancre, il va guérir. La peau, quand elle est atteinte, ça va guérir tout seul. Le problème, c'est que ça va faire des trous dans la tête. Et ça, personne ne savait les traiter. Et ce sont des gens qui ont regardé, sans leur faire le moindre traitement. Après, on a vu des traitements que l'on regarde maintenant avec un grand sourire. Le mercure, le bismuth et autres. Justement, comment avons-nous découvert nos armes thérapeutiques ? Comment avons-nous fait la découverte de cette bactérie ? Restez avec nous, on continue de parler de la Vénus vérole. Dans des alcôves, charme et bacille jusqu'à l'eau. une jolie lady, mais elle était syphilitique. Vénus des amours maudites, sans mesure prophylactique. Miss Syphilis par My Concubine en direct sur France Culture, car nous parlons de Dame Vérole, nous parlons de syphilis tout au long de cette heure, en compagnie de nos deux invités du jour, Nicolas Dupin, professeur dermatologue et vénérologue à l'hôpital Cochin et directeur de laboratoire associé syphilis du CNR des IST, et Charles Cazanave, médecin infectiologue au CHU Bordeaux, spécialiste IST. On vient de voir que la coïncidence temporelle entre le retour des Amériques de la première expédition de Christophe Colomb et des premières poussées épidémiques de syphilis en Europe ont conduit à l'hypothèse selon laquelle cette maladie serait originaire du continent américain. En Europe, on sait que la syphilis est née dans cette mouvance des guerres franco-italiennes, puis s'est diffusée donc dans toute l'Europe. Charles Cazanave, comment a évolué le profil épidémiologique de cette maladie au cours du temps ? Sur le passé, comme disait Nicolas, c'est vrai qu'on a peu d'éléments, à part dire que durant plusieurs siècles et années, la maladie s'est transmise par les relations sexuelles. Alors, ce qu'on entend par relations sexuelles, maintenant, on sait que, y compris les rapports orogénitaux, notamment les fellations, peuvent être à l'origine de cette transmission, donc de muqueuse à muqueuse, alors entre hommes et femmes, entre hommes. Donc, tout ça a fait qu'il y avait une espèce d'épidémie permanente qui est un petit peu larvée pour décroître quand même. Comme on l'a dit, avec l'arrivée quand même spectaculaire des traitements dans les années 40 et la pénicilline, et je pense qu'on y reviendra, pour quasiment disparaître, comme on l'a dit avec Nicolas, à la fin des années 90. On rappelle que les trithérapies du VIH sont apparues en 96 et donc ont permis aux personnes vivant avec le VIH de retrouver un espoir et peut-être à partir de ce moment-là de reprendre une activité sexuelle moins protégée, plus importante. Et donc, depuis 2000, on a vu une épidémiologie, du moins en France, un peu différente, puisqu'elle touchait majoritairement les hommes, et c'est toujours le cas, puisqu'actuellement en France, on a plus de 90% des cas qui sont des hommes, et au sein de ces hommes, majoritairement des hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, pour ce qui est des données épidémiologiques françaises. Peut-être que Nicolas voudra compléter mon propos sur les données ailleurs. Mais en tout cas, avant la découverte d'un traitement efficace, la syphilis touchait toutes les populations. Mais ça touche toutes les populations. Voilà, moi je pense que... Oui, vous faites bien de me corriger. Natacha, ça touche toutes les populations. Mais dans le sens où on parlait d'une maladie plutôt endémique au cours des siècles, enfin, où on n'a pas de chiffres précis, mais on pense qu'un tiers des malades hospitalisés l'étaient pour la syphilis en l'occurrence. Ah oui, alors ça c'est vrai. À la fin du 19e, au début du 20e, il y a les fléaux, c'est quoi ? C'est la tuberculose, c'est la syphilis. Voilà, ça c'est des maladies qui sont quasiment endémiques, qui sont véritablement transmises dans toute la population, et tout le monde est touché, et c'est sexuel, et c'est bien sûr pour la syphilis, la transmission avec les syphilis néonatales et congénitales. La place des homosexuels de sexe masculin, elle est assez importante en France. Elle est très variable. Quand on regarde le CDC, c'est entre 30 et 70% de la population, hein, selon les données qui ont été publiées récemment, hein, selon les pays. Moi, je me souviens, en tout cas, quand j'ai commencé à revoir des syphilis, comme Charles, je suis beaucoup plus âgé que Charles, mais moi aussi, j'ai fait toutes mes études sans en voir une seule, parce que c'était les années SIDA et qu'on ne voyait pas. Pratiquement pas, en tout cas, pour ma part, de syphilis. Donc, on apprenait la syphilis dans les livres. Et puis, comme je vous l'ai dit, fin des années 90, début des années 2000, on commence à en revoir. Et la proportion d'hommes qui a des rapports avec des hommes est plus importante. Mais ça s'est un peu amoindri avec le temps. Hein. Ça diffuse dans la population également hétérosexuelle masculine et chez les femmes, même si c'est pas... très important, on voit des épidémies. Et actuellement, par exemple, je voudrais dire, en Guyane française, il y a aussi une épidémie de syphilis congénitale, avec une augmentation de syphilis de jeunes femmes enceintes qui ne se savent pas enceintes et qui ne se savent pas syphilitiques. Côté armes thérapeutiques, comment a justement évolué cette prise en charge médicale? J'introduis cette question avec une lecture, un extrait d'une lettre de Maupassant qui écrit en mars 1877 à son ami Robert Pinchon. Tu ne devineras jamais la merveilleuse découverte que mon médecin vient de faire en moi. Jamais, non jamais. Comme mes poils tout à fait tombés ne repoussaient pas, j'ai pris mon médecin au collet et je lui ai dit « Bougre, tu vas trouver ce que j'ai ou je te casse ?» Il m'a répondu « La vérole. » J'avoue que je ne m'y attendais pas. J'ai été très turlupinée, enfin j'ai dit « Quel remède ?» Il m'a répondu « Mercure et iodure de potassium. » Bref, depuis 5 semaines, je prends 4 centigrammes de mercure et 35 centigrammes d'iodure de potassium par jour et je m'en trouve fort bien. Je finirai par faire du mercure ma nourriture ordinaire. Mes cheveux commencent à repartir, mes sourcils s'indiquent par une légère ligne plus foncée au-dessus des yeux, mes poils du cul broussaillent, mon cœur va pas mal et mon estomac mieux, j'ai la vérole, enfin la vraie. Pas la méprisable chaude pisse, pas l'ecclésiastique cristalline, pas les bourgeoises crêtes de coq ou les légumineux choux-fleurs, non. Non, la grande vérole, la vérole majestueuse et simple, l'élégante syphilis. J'ai la vérole sans l'ennuyeuse garniture de chancre, sans les putrides bubons, sans les laideurs extérieures. Je n'aurai de chancre au nez que plus tard, et j'en suis fière morbleu. Et je méprise par-dessus tous les bourgeois. Alléluia, j'ai la vérole, par conséquent, je n'ai plus peur de l'attraper. Charles Cazeneuve, on a un bel exemple de prise en charge médicale inadaptée dans cet extrait. Oui, tout à fait. Entre autres. Alors, c'est vrai qu'on peut sourire avec le recul, mais on sourit à l'aide de la trop grande utilisation des antibiotiques. Mince, Charles Cazeneuve, on vous entend pas très bien. J'ai peur que l'on doive vous rappeler dans quelques instants que vous avez été coupé. Mais alors, je me tourne en attendant que la régie s'occupe de notre connexion. Je me tourne vers vous, Nicolas Dupin, parce que en effet, cette prise en charge de la syphilis a longtemps été faite par justement ce traitement au mercure et à ses dérivés. Mais c'était les médecins à chapeau pointu, quoi. On était très doctes. Mais malheureusement, on n'avait aucun outil. La langue est très riche. Et c'est avant de perdre la tête qu'il écrit ça. Le pauvre, il va perdre la tête quelques années plus tard et mourra des dégâts de sa maladie en l'ayant magnifié magnifiquement dans ses pages, où il décrit d'ailleurs d'autres maladies sexuellement transmissibles, la chaude pisse, le chou-fleur, c'est les papillomavirus. Enfin, il est assez documenté, Maupassant. Mais le pauvre, il subit effectivement l'ignorance médicale de l'époque. Et combien de patients ont été traités par du mercure sans efficacité et probablement avec beaucoup d'effets secondaires plus liés au mercure lui-même qu'à la syphilis. Oui, Charles Cazeneuve, on vous a récupéré le mercure qui est quand même utilisé jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale en tant que traitement. Oui, c'est ce que je disais, pardon, on a été coupé. C'est vrai que nous, on rigole à l'ère des antibiotiques, mais il faut dire qu'avant, on était démunis, comme le disait Nicolas, et donc les métaux lourds, comme on dit, et notamment le mercure, était largement utilisé. Et si on peut faire une petite référence un peu culturelle, Karen Blixen, dans sa ferme africaine, Out of Africa, pour l'adaptation cinématographique, on oublie que cette grande romancière a eu probablement, là aussi il y a une polémique sur le sujet, une syphilis pour laquelle elle est rentrée dans son pays d'origine, le Danemark, en 1915, pour avoir du mercure, et elle consommait régulièrement de l'arsenic, elle en consommait même tous les jours, et on pense même que les douleurs qu'elle présentait à la fin de sa vie étaient plus liées, comme disait Nicolas, à une intoxication à l'arsenic qu'à une atteinte neurologique de la syphilis. Donc c'est vraiment quelque chose qui était très populaire et puis qui a vraiment changé. Donc il y a eu iodure de potassium, il y a eu aussi un bois antillais de l'île d'Hispaniola qui s'appelle le gaillac. Et puis bon, après, bien évidemment, la pénicilline a changé la donne. Voilà, c'est la révolution dans les années 1940, c'est l'arrivée de la pénicilline. Oui, c'est l'arrivée de la pénicilline, c'est vrai. C'est même, pardon Nicolas, mais c'est 28, la découverte de la pénicilline. Et surtout, la pénicilline va faire qu'on va guérir les formes précoces et on va empêcher surtout les gens de développer les formes neurologiques précoces ou tardives. Et c'est ça qui est important parce que, hein, vous avez, Maupassant, il croit que ses poils repoussent, mais ses poils repoussent non pas parce qu'il a pris du mercure, mais c'est parce que c'est l'évolution naturelle. En apparence, ça guérit tout seul. Mais en fait, on reste avec la bactérie qui vient détruire. Donc c'est vrai que la pénicilline a transformé à la fois l'épidémiologie. Ça a permis de diminuer la transmission, puisqu'on traite très rapidement les gens qui sont infectés. On rompt la chaîne de transmission. Donc ça, c'est très important dans la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles. Et puis ensuite, on évite les complications tardives de la syphilis. Et donc c'est formidable. C'est un traitement, le traitement qu'on utilise actuellement, qui est une seule injection de pénicilline pour traiter toutes les formes précoces de la maladie, ça fait 70 ans qu'on l'utilise. Hein, ça fait 70 ans qu'on utilise le même traitement et sans vraiment de résistance réelle de la bactérie. Charles Cazeneuve. Oui, mais justement, voilà, Nicolas me coupe l'herbe sous le pied en tant qu'infectiologue et martelant les messages d'antibiorésistance. C'est vrai que pour le coup, la syphilis et notamment le tréponème n'a pas développé de résistance à la pénicilline, rappelons créée par Fleming, une découverte un peu fortuite sur ces boîtes de Pétri, n'a pas développé de mécanisme de résistance et ça reste le traitement de référence. Je voulais juste, si je peux me permettre, évoquer, je ne sais pas si on aura le temps, mais juste l'étude américaine qui a été quand même à l'origine d'une grande polémique dans la recherche qui s'appelait l'étude Tuskegee d'une université de l'Alabama qui a débuté en 1932, donc avant l'avènement de la pénicilline, où on voulait évaluer l'histoire naturelle de la syphilis chez des Afro-Américains, 400 qu'il avait, 200 qu'il n'avait pas. C'était prévu de les suivre 6 mois. Au total, on les a suivi jusqu'à 72, c'est-à-dire que des personnes qui auraient pu avoir accès à la pénicilline en 43 n'y ont pas eu accès, et c'est l'un des plus gros scandales de la recherche, qui a valu d'ailleurs à Bill Clinton de présenter ses excuses nationales aux 5 survivants de cette étude. Et donc c'était aussi l'occasion de faire un rappel sur la syphilis qui a été à l'origine de la réglementation avec la déclaration d'Helsinki sur la protection des personnes dans la recherche clinique. Nicolas Dupin, sur ce scandale de cette étude clinique. Oui, je pense que c'était horrible parce que c'était effectivement la possibilité de traiter des gens. On avait l'antibiotique pour les traiter et malgré tout, on les a laissés dans un bras sans traitement. Donc c'est absolument scandaleux. C'est quelque chose qui ne pourrait... Dès que maintenant, il y a un essai clinique qui montre un bénéfice du médicament, tout de suite, l'essai est interrompu et les gens qui étaient dans le bras... on lève l'aveugle et les gens qui sont dans le bras non traités, avec le placebo, bénéficient du traitement. Mais cette maladie a été à l'origine de mise en place de l'éthique dans les études cliniques suite à ce scandale. Alors aujourd'hui, pour accueillir, dépister et soigner un nombre croissant de patients souffrant d'IST et de syphilis, il existe des lieux dédiés qui accueillent tout public. On en parle avec vous, Céline Lozen, bonjour. Bonjour Natacha. Pour le reportage du jour, vous êtes allée au centre de santé au centre de santé sexuelle de l'Hôtel Dieu de la PHP. Oui, il y a un centre où toute une équipe de soignants, psychologues et sexologues sont là pour écouter, examiner et accompagner les patients qui arrivent souvent dans un état de grande détresse. Le docteur Johan Chanal, dermatologue, exerce ici selon cette approche de santé globale, axée sur l'écoute et le dialogue. Alors ici, tout est prévu pour accueillir et dépister avec des box équipées pour les examens cliniques, l'analyse des chancres et orienter ensuite vers le bon traitement. Les agents d'accueil qui reçoivent les patients, donc les uns après les autres. Les patients vont discuter de leur sexualité ou de leurs problématiques qui les font venir au centre de santé sexuelle avec l'agent d'accueil. Donc l'agent d'accueil c'est vraiment très important dans la prise en charge de ces malades, justement parce que c'est l'agent d'accueil qui va déjà les rassurer ou leur dire bah, écoutez, vous êtes en bon endroit, on va pouvoir s'occuper de vous. Il faut vraiment être dans l'accompagnement et dans l'écoute de ce qu'il veut. Ici, on a donc la salle d'attente avec, vous voyez, aussi beaucoup de supports pédagogiques, toujours ciblés, évidemment, sur les différents facteurs de risque, sur les populations aussi, hein, qui pourraient être plus à risque d'acquisition de maladies sexuellement transmissibles. Alors, en fait, ici, on accueille tous les publics, vraiment, tous les publics. C'est quelque chose de très important. Il faut que personne ne se sente lésé dans sa prise en charge ou ait peur de venir au centre de santé sexuelle de Paris-Cité, parce qu'on accueille vraiment tout le monde. Et quel que soit le type de maladie sexuellement transmissible, quelle que soit l'avancée dans la maladie sexuellement transmissible, c'est-à-dire que les patients peuvent venir avec des symptômes qui les inquiètent, et donc monter directement en disant, voilà, j'ai un symptôme, on essaye de les voir le plus rapidement possible. Ou bien c'est dans le cadre d'un dépistage qu'ils ont fait, par exemple, et ils se rendent compte sur la prise de sang ou sur le prélèvement des urines, de la gorge ou de l'anus, qu'il y a possiblement un germe et ils aimeraient un traitement ou en tout cas ils ont des questions et on est là pour y répondre. Et de manière plus globale, c'est le sens de centre de santé sexuelle, c'est que s'ils ont des questions sur leur sexualité, sur le risque par rapport à leur sexualité, on est là pour essayer d'y répondre au mieux. Comment se passe le parcours de diagnostic d'un patient ? Alors le patient vient, il est vu de manière isolée par l'agent d'accueil, où il peut déjà commencer à parler de la problématique qui le fait venir à l'hôtel-lieu. Ensuite, l'agent d'accueil va rediriger le patient vers le médecin. Il est mis en salle d'attente. Ensuite, il est reçu par le médecin dans un box dédié, avec un temps à la fois de consultation, d'échange par rapport à sa sexualité, sur les facteurs de risque qu'il pourrait prendre, facteurs de risque sexuels, les facteurs de risque par rapport notamment aux prises de toxiques, d'alcool, de drogue, on parle beaucoup de chemsex, etc. Ensuite, il peut y avoir un examen clinique qui est fait par le praticien, notamment s'il y a des symptômes, ou même si on n'a pas. Par exemple, si on a une prise de sang qui montre une syphilis, c'est toujours intéressant d'examiner le patient, de vérifier qu'il n'y ait pas de chancre visible ou qu'il n'y ait pas de signes de syphilis secondaire. Les chancres, ce sont des lésions, des ulcères. Oui, pardon. Donc le chancre, c'est une ulcération, donc c'est un ulcère qui intervient la plupart du temps sur les organes génitaux, au niveau de l'anus ou même des fois au niveau de la gorge ou de la lèvre, qui signe le point d'entrée de la bactérie responsable de la syphilis dans l'organisme. Et ça s'acquiert sexuellement. Et donc nous, on examine les patients et ensuite, soit il a besoin d'autres prélèvements, soit il a aussi besoin d'un traitement et tout est fait sur place. On remet le patient en salle d'attente et il est prélevé, traité ici. Là, c'est d'autres cabinets de consultation. Ici, les postes infirmiers, bon là, ils sont tous occupés. Les infirmières aussi ont un rôle primordial parce que les infirmières, en fait, elles débriefent avec le patient ce qu'on a pu dire au patient. Dans le cas de la syphilis, le traitement se déploie sur quelle durée ? Alors, pour le cas de la syphilis, le traitement standard, c'est une seule injection dans la forme, on va dire, la plus classique de la syphilis. C'est une seule injection en intramusculaire, donc dans la fesse, d'extensiline, qui est un antibiotique, pour lequel d'ailleurs on a eu des problèmes de rupture de stock assez régulièrement ces dernières années. Ça, c'est notre, vous voyez, il y a marqué laboratoire. Hein, et donc ça, c'est le lab. Machine. Là, on a une toute petite machine donc, qui permet le diagnostic rapide des chlamydia et du gonocoque. En fait, on reçoit chaque semaine l'ensemble des prélèvements du centre de santé sexuelle positif et on va en fait implémenter tous nos cas positifs pour justement faire une surveillance et permettre de faire une surveillance des maladies sexuellement transmissibles, et notamment de la syphilis. Un autre box de consultation, et là c'est un box pour l'assistante sociale en cas de problèmes sociaux, mais aussi pour il y a la sexologue aussi qui consulte dedans, et aussi la psychologue d'ailleurs, qui fait beaucoup pour les patients, ou quand il y a un problème sur la santé sexuelle plus globale, sur une problématique par rapport à la sexualité. Encore une fois, on voit que l'arsenal de spécialités doit être bien étoffé et global pour accompagner un patient, oui, au-delà du cas clinique. Oui, en fait, il ne faut pas juste rester dans la médecine, il faut aller réfléchir un petit peu plus loin que ça, en fait. Parce qu'encore une fois, les patients, ils peuvent venir nous voir dans une grande détresse, et si on leur dit juste, bah voilà, c'est le traitement, au revoir, en fait, on a fait même pas 10% du job. Et alors là, c'est le box de la planification familiale avec la consultation des sages-femmes. On a une sage-femme de l'assistance publique et une sage-femme de la mairie de Paris dans le cadre de la contraception, mais au-delà aussi pour faire les frottis, enfin pour l'accompagnement des femmes en général. Et parce que c'est pas le moins important, en fait. Je vous présente les toilettes. Et en fait, beaucoup de nos prélèvements qu'on fait faire aux patients sont des auto-prélèvements. Oui, donc nécessairement passage aux toilettes. Donc nécessairement, que ce soit les urines ou l'autoprélèvement vaginal ou l'autoprélèvement anal. Et donc en fait, les toilettes, c'est une zone charnière et une zone clé qu'on essaye d'aménager du mieux qu'on peut. Et là, dans les bâtiments, c'est pas toujours facile. Mais voilà, on aimerait qu'à un moment, un jour, on ait des toilettes qui soient vraiment bien construites dans le cadre des centres de santé sexuelle, parce que c'est très important pour les patients. Donc dans la syphilis, clairement, mais dans toutes les maladies sexuellement transmissibles, on a une augmentation du nombre de cas. Et c'est vrai que je pense que juste faire du dépistage médical bateau, en fait, encore une fois, on ne fait pas bien notre travail. Ce qu'il faut, c'est vraiment accompagner le patient. Et il n'y a pas de bon ou mauvais. C'est pas mal d'avoir la syphilis. C'est juste une histoire de facteurs de risque, en fait, et leur expliquer les facteurs de risque et les risques qu'ils peuvent prendre et qu'est-ce que ça peut induire sur la santé. Mais surtout de l'accompagner, d'essayer de voir avec lui, finalement, quels ont été les facteurs de risque et quels ont été les points sur lesquels on peut agir ensemble pour diminuer ce risque. C'est toujours une histoire d'essayer de diminuer les risques pour les malades. Merci Céline Lozen pour ce reportage. Charkazana, a-t-elle une réaction à ce qu'on vient d'écouter ? Ben, je ne peux que remercier et féliciter Joanne Chanal pour cet exemple même de prise en charge globale de la santé sexuelle, comme on l'a vu, bienveillante, non jugeante, la moins stigmatisante possible, afin donc de libérer la parole et de pouvoir faire une pédagogie dans un environnement plutôt agréable. Car pour l'avoir vécu, pour des personnes qui ne s'y attendent pas, souvent l'annonce d'une syphilis reste encore avec plein d'images, plein d'inquiétudes, et c'est souvent très anxiogène. Et donc je trouve que ce reportage montre bien que cette prise en charge avec le médecin, l'infirmière pour débriefer est vraiment ce qu'il faut, et je félicite tous les centres de la sorte. On arrive vers la fin de cette discussion, Charkazana. Comment aujourd'hui faire face à la recrudescence de la syphilis ? Comment mieux lutter contre cette maladie ? Ben, je pense qu'en effet, d'en parler comme on fait aujourd'hui, c'est important. Informer, commencer l'éducation sexuelle le plus tôt possible. Alors certes, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'infections sexuellement transmissibles, mais au moins évoquer que ça peut exister. Et après, que les personnes prennent leur santé sexuelle en main et puissent bénéficier des conseils et des dépistages, soit par leur médecin traitant, soit par des centres, comme on vient de le voir, ou par d'autres, comme ce qu'on appelle les Cégides, et bien évidemment rappeler encore une fois les messages de prévention puisqu'il n'y a pas de vaccin, comme le port du préservatif, qu'il soit externe, interne, et la gratuité du préservatif dans les pharmacies pour les moins de 26 ans et sur prescription médicale pour les plus de 26 ans. Donc il y a encore beaucoup de travail d'information et bien évidemment le dépistage des femmes enceintes, ça c'est très important pour éviter les formes de syphilis du bébé. Nicolas Dupin ? Je pense qu'ils ont tout dit. Merci Charles. Je ne peux qu'abonder dans ce que vient de dire Charles et ce qu'avait dit Joanne Chanal juste avant. Effectivement, en parler, c'est déjà une super émission. Et merci à vous d'avoir choisi ce thème pour votre émission. En parler et en parler non seulement, je dirais, aux patients, mais en parler aux médecins et aux médecins, je dirais, de premier rôle, les médecins généralistes qui sont en première ligne, qui doivent savoir évoquer la syphilis. Quand j'étais jeune externe et qu'on n'en voyait pas beaucoup, on faisait systématiquement la sérologie de syphilis à tous les entrants qui arrivaient dans le service d'un hôpital à Paris. Voilà, c'était systématique. On faisait la sérologie de Bordé-Wassermann qui permettait de détecter les anticorps contre le tréponème. Donc je crois que dépistage, c'est important. Diagnostic, c'est important. Et ne pas hésiter à faire... C'est une simple prise de sang qui permet très rapidement de faire le diagnostic. Ça évite quelquefois des examens très invasifs à vos patients. Et un traitement, comme je l'ai dit, minute, qui marche très bien depuis 70 ans. Alors, effectivement, on a vécu des pénuries. Et c'est pour ça qu'effectivement, il faut essayer de trouver d'autres médicaments. Mais pour l'instant, il n'y a pas de challenger minute à l'extensiline, c'est-à-dire à la benzatine pénicilline. Et donc, effectivement, reconnaître rapidement, ça permet de rompre cette chaîne de transmission. On arrive à la fin de cette discussion. Comme chaque jour, on retrouve dans quelques secondes la chronique Avec Science. Mais voilà un petit mot pour rappeler que les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic font des dépistages globaux totalement pris en charge pour toutes et tous, même pour les personnes en situation précaire. On retrouve Alexandra Delbo et la chronique Avec Science. Comment tirer profit de l'évaporation de l'eau? Il fait partie intégrante du cycle de l'eau sous l'effet de l'énergie solaire. Les rivières, les lacs, les mers ou encore l'océan s'évaporent. L'atmosphère se charge ensuite sous forme de nuages ou de brouillard par condensation pour finalement retomber en pluie à la surface de notre planète. Environ la moitié de l'énergie solaire qui atteint la Terre est à l'origine de ce processus. C'est bien plus que les rayons qui touchent directement le sol et s'en servir pour créer de l'énergie. C'est ce qui s'appelle l'effet hydrovoltaïque. Giulia Tagliabue est professeure à la faculté d'ingénierie de l'École polytechnique fédérale de Lausanne et co-autrice de cette étude parue dans Device. L'effet hydrovoltaïque se base sur des effets qui s'appellent électrocinétiques. C'est-à-dire que quand un fluide qui contient des charges, qui c'est comme qu'on a des sels dans l'eau, qui se passe toujours dans des eaux naturelles, quand ces fluides se déplacent, sont mis en mouvement, d'une surface solide, il y a un phénomène de transport des charges aussi dans les solides. Et donc, quand le fluide s'est mis en mouvement, on peut avoir des courants et des voltages qui se développent sur la côté solide du système. Donc, il y a deux parties de le problème. Un, c'est comment on peut mettre les fluides en mouvement. Donc, ça, c'est où l'évaporation nous fait un gros faveur parce qu'elle nous donne de l'énergie pour rien sans que nous devons mettre les fluides en mouvement. Et l'autre, c'est comment est-ce qu'on peut générer de l'électricité par les mouvements de fluides. Et hop, une première partie gratos. L'évaporation remplit déjà le rôle de mise en mouvement de fluide sans aucun apport d'énergie extérieure. Le second élément de l'équation à résoudre, c'est de transformer le mouvement du fluide en électricité. Pour cela, il faut s'équiper d'un solide avec une surface chargée. Le passage du fluide contre la surface va générer du courant et du voltage. Ça, c'est pour la partie théorique. Pour la mise en pratique, il a fallu construire de nombreux dispositifs afin de mieux comprendre l'ensemble des processus fondamentaux qui régissent cet effet. Dans cette étude, ces appareils hydrovoltaïques, ce sont des nanofibres de 100 nanomètres de diamètre, soit 1000 fois plus épaisses qu'un cheveu. Elles sont disposées côte à côte, très proches, et à la surface de l'eau, afin que le fluide s'infiltre entre les colonnes. L'objectif de cette étude est donc de faire varier d'un côté l'espacement et le diamètre de ces piliers, et de l'autre de modifier la propriété du fluide, et donc surtout la quantité de sel dans l'eau. Résultat, ça marche, cela génère de l'électricité, mais surtout à des gammes de salinité semblables à ce qu'on trouve dans l'eau de mer, et c'était inattendu. On a découvert qu'on peut faire fonctionner ces dispositifs dans une variété de concentrations de sel, de l'eau super pure, celui qu'on peut générer dans les labos, jusqu'à l'eau de la mer. C'était un attendu. En fait, quand on a vu les premiers résultats, on comprenait pas vraiment pourquoi on avait plusieurs maximums de voltages dans notre système. On a vraiment dû revenir sur les fondamentaux pour comprendre d'où ça venait. Ce qu'on a découvert, c'est qu'en fait, il y a un équilibre chimique entre la quantité de charges sur la surface de solide et la quantité de sel dans les fluides. Et donc, cet équilibre nous permet d'opérer, même avec des concentrations de sel plus élevées, avec des nanocanals qui restent avec des dimensions qui sont faciles à manufacturer. Donc, on n'est pas bloqué par cet aspect un peu plus pratique, mais on peut vraiment réaliser des dispositifs qui opèrent dans une variété de concentrations. Et il y a deux applications. Ces dispositifs pourraient servir à produire de l'énergie pour alimenter, par exemple, un système adjacent, et on pourrait aussi obtenir de l'eau potable pure en recondensant l'eau évaporée. La poursuite de ces travaux est-elle aussi double? Continuer cette recherche fondamentale pour explorer les processus physico-chimiques qui entrent en jeu et mieux définir notamment les limites théoriques de ce système. L'autre est une expérimentation plus appliquée avec le développement du dispositif en plus grand, d'une dizaine de centimètres cette fois, sur le lac Léman pour voir la durabilité et l'efficacité de celui-ci en conditions réelles. Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Alexandre Morales, Eve Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lausanne, Bruno Sansini, Antoine Beauchamp. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Olivier Arnet. Vous pouvez nous podcaster sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.